Chapitre 3. Marguerite Marie est choisie de Dieu pour manifester aux hommes le dernier effort de son amour. Les grandes révélations du Sacré-Cœur. Le père de la Colombière, 1673-1677. C'était le 27 décembre 1673, fête de Saint Jean l'Évangéliste. Sœur Marguerite Marie, ayant un peu plus de loisirs qu'à l'ordinaire, priait devant le Saint-Sacrement. Avec une force indicible, elle se sent tout investie de la divine présence. Mais écoutons-la raconter elle-même ce qui suit. La scène est d'une grandeur sans égale. Je m'oubliais de moi-même et du lieu où j'étais, et je m'abandonnais à ce divin esprit, livrant mon cœur à la force de son amour. Il me fit reposer fort longtemps sur sa divine poitrine, où il me découvrit les merveilles de son amour et les secrets inexplicables de son sacré cœur, qu'il m'avait toujours tenu caché jusqu'alors, qu'il me l'ouvrit pour la première fois, mais d'une manière si effective et si sensible qu'il ne me laissa aucun lieu d'en douter, pour les effets que cette grâce produisit en moi, qui craint pourtant toujours de me tromper en tout ce que je dis se passer en moi. Et voici comment il me semble la chose s'être passée. Il me dit « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes, et pour toi en particulier, que, ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen, et qu'il se manifeste à eux, pour les enrichir de ces précieux trésors que je te découvre, et qui contiennent les grâces sanctifiantes et salutaires, nécessaires pour les retirer de l'abîme de perdition. Et je t'ai choisi comme un abîme d'indignité et d'ignorance pour l'accomplissement de ce grand dessein, afin que tout soit fait par moi. » Après, il me demanda mon cœur, lequel je le suppliais de prendre, ce qu'il fit, et le mit dans le sien adorable, dans lequel il me fit voir comme un petit atome qui se consumait dans cette ardente fournaise, d'où le retirant comme une flamme ardente en forme de cœur, il le remit dans le lieu où il l'avait pris en me disant « Voilà, ma bien-aimée, un précieux gage de mon amour qui renferme dans ton côté une petite étincelle de ces plaies vives flammes pour te servir de cœur et te consommer jusqu'au dernier moment, et dont l'ardeur ne s'éteindra ni ne pourra trouver de rafraîchissement que quelque peu dans la saignée, dont je marquerai tellement le sang de ma croix qu'elle t'apportera plus d'humiliation et de souffrance que de soulagement. C'est pourquoi je veux que tu la demandes simplement, tant pour pratiquer ce qui vous est ordonné que pour te donner la consolation de répandre ton sang sur la croix des humiliations. Et pour marque que la grande grâce que je te viens de faire n'est point une imagination, et qu'elle est le fondement de toutes celles que j'ai encore à te faire, quoique j'ai refermé la plaie de ton côté, la douleur t'en restera pour toujours. Et si jusqu'à présent tu n'as pris que le nom de mon esclave, je te donne celui de la disciple bien-aimée de mon sacré cœur. Après une faveur si grande et qui durera un si long espace de temps, pendant lequel je ne savais si j'étais au ciel ou en terre, je demeurai plusieurs jours, comme tout embrasé et enivré, et tellement hors de moi que je ne pouvais en revenir pour dire une parole qu'avec violence, et m'en fallait faire une si grande pour me recréer et pour manger, que je me trouvais au bout de mes forces pour surmonter ma peine, ce qui me causait une extrême humiliation. Et je ne pouvais dormir, car cette plaie dont la douleur m'est si précieuse me cause de si vives ardeurs qu'elle me consomme et me fait brûler toute vive. Et je me sentais une si grande plénitude de Dieu que je ne pouvais m'exprimer à ma supérieure comme je l'aurais souhaité. Certes, on le comprend, pour une âme aussi profondément humble que l'était celle de notre sainte, quelle agonie intérieure de se voir forcée d'aller déclarer de semblables révélations. Elle qui eût ambitionné voir l'univers entier l'accabler d'injures et de mépris, ou du moins qui se fût sentie soulagée si on lui eût permis de faire sa confession générale en plein réfectoire pour mieux découvrir le fond de corruption qu'elle croyait renfermé. Elle, venir avouer que le roi du ciel et de la terre la choisissait pour manifester son amour au monde, n'était-ce point une folie de son orgueil de croire elle-même que le Seigneur lui avait effectivement parlé ainsi? Elle abandonna toutes ses réflexions à la merci de l'obéissance, se contentant de rapporter le fait à la mère de Sommaise, appelée à recevoir bientôt d'autres confidences, non moins extraordinaires. Le cœur de Jésus n'avait pas dit son dernier mot à sœur Marguerite Marie. Elle va le voir encore, et ce sera tel qu'elle l'aura vu et qu'elle le dépeindra, que les âmes aimeront dans la suite à contempler le Sacré-Cœur. Ce cœur divin me fut représenté, dit-elle, comme dans un trône, tout de feu et de flamme, rayonnant de tous côtés, plus brillant que le soleil et transparent comme un cristal. La plaie qu'il reçut sur la croix y paraissait visiblement. Il y avait une couronne d'épines autour de ce divin cœur et une croix au-dessus. Mon divin maître me fit entendre que ces instruments de sa passion signifiaient que l'amour immense qu'il a eu pour les hommes avait été la source de toutes ses souffrances, que dès le premier instant de son incarnation, tous ses tourments lui avaient été présents, et que ce fut dès ce premier moment que la croix fut, pour ainsi dire, plantée dans son cœur, qu'il accepta dès lors toutes les douleurs et humiliations que sa sainte humanité devait souffrir pendant le cours de sa vie mortelle, et même les outragés auxquels son amour pour les hommes l'exposait jusqu'à la fin des siècles, dans le Saint-Sacrement. Il me fit connaître ensuite que le grand désir qu'il avait d'être parfaitement aimé des hommes lui avait fait former le dessein de leur manifester son cœur et de leur donner, dans ces derniers siècles, ce dernier effort de son amour, en leur proposant un objet et un moyen si propres pour les engager à l'aimer et à l'aimer solidement, leur ouvrant tous les trésors d'amour, de miséricorde, de grâce, de sanctification et de salut qu'il contient, afin que tous ceux qui voudraient lui rendre et lui procurer tout l'honneur et l'amour qui lui serait possible, fussent enrichis avec profusion des divins trésors dont il est la source féconde et inaltérable. Il m'a encore assuré qu'il prenait un singulier plaisir d'être honoré sous la figure de ce cœur de chair, dont il voulait que l'image fût exposée en public, afin, ajouta-t-il, de toucher le cœur insensible des hommes, me promettant qu'il répandrait avec abondance sur le cœur de tous ceux qui l'honoreront tous les trésors de grâce dont il est rempli, et que partout où cette image serait exposée pour y être singulièrement honorée, elle y attirerait toutes sortes de bénédictions. Mais voici cependant ce qui me causa une espèce de supplice, qui me fut plus sensible que toutes les autres peines dont j'ai parlé. C'est que lorsque cet aimable cœur me fut présenté, avec ces paroles, j'ai une soif ardente d'être honoré des hommes dans le Saint-Sacrement, et je ne trouve presque personne qui s'efforce selon mon désir de me désaltérer, usant envers moi de quelques retours. C'en était trop pour une âme aussi aimante. La pensée que le souverain amour n'était pas aimé lui devint comme un glaive qui transperçait incessamment son cœur. En 1674, la servante de Dieu n'était plus seconde infirmière. Elle venait d'être nommée maîtresse des sœurs du petit habit. Large et simple était sa méthode d'éducation. Inculquer à ces jeunes âmes l'horreur du vice, l'amour de la vertu, par conséquent le véritable amour de Dieu, tels étaient ses principes. Elle était indulgente et bonne pour les fautes de son petit troupeau. Tout était pardonné facilement, à l'exception du mensonge et des rapports, qu'elle corrigeait vivement. À plusieurs reprises, elle fut ainsi chargée de celles qu'on nomme à la visitation nos chères petites sœurs. Or, quelles que soient les années auxquelles les dispositions de 1715 font allusion, les témoignages sont unanimes. Un ange du ciel n'aurait pas inspiré plus de vénération à ce petit groupe d'enfants que l'humble sœur à la coque. Aussi, tout ce qu'elles en reçoivent comme récompense pieuse, image ou chapelet, elles le tiennent pour des reliques. Elles demandent en grâce qu'on leur donne de ses cheveux, qu'on lui en coupe. La jeune Marie Chevalier de Montrouen a parfois la curiosité de l'observer en oraison. Et court avertir les autres de venir voir comment leur sainte priait Dieu. Là même s'aperçoit que leur maîtresse vit de mortification plus que de tout le reste, et elle lui envoie faire des actes héroïques. Entre autres, un jour où elle la surprend à lécher un ulcère survenu au pied d'une de ses petites compagnes. Toute remarque en sœur Marguerite Marie quelque chose d'extraordinaire. Le fait est que la volonté de Dieu s'imposait désormais sans réplique à cette âme. Comme un géant, le soleil du Sacré-Cœur s'est levé sur elle. impossible de se dérober à sa chaleur. Et ce soleil divin va encore se manifester à elle dans une nouvelle lumière et un nouvel éclat. Le Seigneur a véritablement placé son tabernacle sur les hauteurs, et son élu doit y monter pour y demeurer avec lui. Les premiers vendredis du mois, elle était conviée à d'ineffables délices. Ce Sacré-Cœur m'était représenté comme un soleil brillant d'une éclatante lumière, dont les rayons tout ardents donnaient à plomb sur mon cœur, qui se sentait d'abord embrasé d'un feu si ardent qu'il me semblait m'aller réduire en cendres. Et c'était particulièrement en ce temps-là que ce divin maître m'enseignait ce qu'il voulait de moi et me découvrait les secrets de cet aimable cœur. Et une fois, entre les autres, que le Saint-Sacrement était exposé, après m'être senti retiré tout au-dedans de moi-même, par un recueillement extraordinaire de tous mes sens et puissances, Jésus-Christ, mon doux maître, se présenta à moi, tout éclatant de gloire, avec ses cinq plaies, brillantes comme cinq soleils. Et de cette sacrée humanité sortaient des flammes de toutes parts, mais surtout de son adorable poitrine, qui ressemblait à une fournaise, et, s'étant ouverte, me découvrit son tout aimant et tout aimable cœur, qui était la vive source de ses flammes. Ce fut alors qu'il me découvrit les merveilles inexplicables de son pur amour, et jusqu'à quel excès il l'avait porté d'aimer les hommes, dont il ne recevait que des ingratitudes et méconnaissances. Ce qui m'est beaucoup plus sensible, me dit-il, que tout ce que j'ai souffert en ma passion. D'autant que s'il me rendait quelques retours d'amour, j'estimerais peu tout ce que j'ai fait pour eux, et voudrais, s'il se pouvait, en faire encore davantage. Mais ils n'ont que des froideurs et du rebut pour tous mes empressements à leur faire du bien. Mais du moins, donne-moi ce plaisir de suppléer à leur ingratitude, autant que tu pourras être capable. Et lui remontrant mon impuissance, il me répondit, « Tiens, voilà de quoi suppléer à tout ce qui te manque. » Et en même temps, ce divin cœur s'étant ouvert, il en sortit une flamme si ardente que je pensais en être consommée, car j'en fus toute pénétrée et ne pouvais plus la soutenir, lorsque je lui demandais d'avoir pitié de ma faiblesse. « Je serai ta force, me dit-il, ne crains rien, mais sois attentive à ma voix et à ce que je te demande pour te disposer à l'accomplissement de mes desseins. Premièrement, tu me recevras dans le Saint-Sacrement autant que l'obéissance te le voudra permettre, quelques mortifications et humiliations qui t'en doivent arriver, lesquelles tu dois recevoir comme des gages de mon amour. Tu communieras de plus tous les premiers vendredis de chaque mois. Et toutes les nuits du jeudi au vendredi, je te ferai participer à cette mortelle tristesse que j'ai bien voulu sentir au jardin des oliviers, et laquelle tristesse te réduira, sans que tu la puisses comprendre, à une espèce d'agonie plus rude à supporter que la mort. Et pour m'accompagner dans cette humble prière, je te présenterai alors à mon Père parmi toutes mes angoisses. Tu te lèveras entre 11 h et minuit, pour te prosterner pendant 1 heure avec moi, la face contre terre, tant pour apaiser la divine colère, en demandant miséricorde pour les pécheurs, que pour adoucir en quelque façon l'amertume que je sentais de l'abandon de mes apôtres, qui m'obligea à leur reprocher qu'ils n'avaient pu veiller 1 heure avec moi. Et pendant 7 heures, tu feras ce que je t'enseignerai. Mais écoute, ma fille, ne crois pas légèrement à tout esprit et ne t'y fie pas, car Satan a rage de te décevoir. C'est pourquoi ne fais rien sans l'approbation de ceux qui te conduisent, afin qu'ayant l'autorité de l'obéissance, il ne te puisse tromper, car il n'a point de pouvoir sur les obéissants. Avec son habituelle simplicité, la sainte poursuit. Et pendant tout ce temps, je ne me sentais pas, ni ne savais plus où j'en étais, lorsqu'on me vint retirer de là. Et voyant que je ne pouvais répondre, ni même me soutenir qu'avec grand-peine, l'on me mena à notre mère, laquelle me trouvant comme tout hors de moi-même, toute brûlante et tremblante, me jetant par terre à genoux, où elle me mortifia et humilia de toutes ses forces, ce qui me faisait un plaisir et me donnait une joie incroyable. Car je me sentais tellement criminel et rempli de confusion, que quelque rigoureux traitement qu'on m'eût pu faire, il m'aurait semblé trop doux. Et après lui avoir dit, quoiqu'avec une extrême confusion ce qui s'était passé, elle se prit encore à m'humilier davantage sans me rien accorder, pour cette fois de tout ce que je croyais que notre Seigneur me demandait de faire. Et ne traitant qu'avec mépris tout ce que je lui avais dit. Cela me consola beaucoup et je me retirai avec une grande paix. Cet aveu fait, elle reprend, et le feu qui me dévorait me jeta d'abord dans une grande fièvre continue. J'avais trop de plaisir à souffrir pour m'en plaindre. N'en parlons point jusqu'à ce que les forces me manquèrent. Le médecin connut qu'il y avait fort longtemps que je la portais, et elle me dura encore plus de 60 accès. Et jamais je n'ai tant senti de consolation, car tout mon corps souffrant d'extrême douleur, cela soulageait un peu l'ardente soif que j'avais de souffrir. Car ce feu dévorant ne se nourrissait, ni contentait que du bois de la croix, de toutes sortes de souffrances, mépris, humiliations et douleurs. Et jamais je ne sentais de douleur qui pût égaler celle que j'avais de ne pas assez souffrir. L'on croyait que j'en mourrais. Mais celui qui est la vie ne la laissa pas tomber dans la mort. Pendant une défaillance qu'elle eut, les trois personnes de l'adorable Trinité daignèrent la visiter et firent sentir d'inexprimables consolations à son âme. Il me sembla que le Père éternel, me présentant une fort grosse croix tout hérissée d'épines, accompagnée de tous les autres instruments de la Passion, il me dit « Tiens, ma fille, je te fais le même présent qu'à mon Fils bien-aimé. Et moi, me dit mon Seigneur Jésus-Christ, je t'y attacherai comme j'y ai été attaché, et je t'y tiendrai fidèle compagnie. » Et la troisième de ces adorables personnes me dit que lui, qui n'était qu'amour, m'y consommerait en me purifiant. Mon âme demeura dans une paix et joie inconcevable, car l'impression qu'y firent ces divines personnes ne s'est jamais effacée. Cependant, la sœur à la coque était toujours malade, et son désir de la sainte communion devenait si intense que lui eût-il fallu marcher pieds nus sur un chemin de flammes. Cette peine ne lui eût rien été, en comparaison de la douleur d'être privée de ce pain de vie. Un jour, malgré une faiblesse excessive, elle se sentit pressée d'aller au cœur pour communier, tout en reconnaissant qu'elle ne le pourra si celui qui la tire ne la soutient. Il me sembla que, me touchant de sa main, il me dit « Que crains-tu, fille de peu de foi? Lève-toi et me viens trouver. » Ce mot la fait tressaillir. Elle se lève à l'insu de l'infirmière. Mais celle-ci veut que la malade se recouche immédiatement, en dépit de l'assurance qu'elle donne de sa santé. Notre mère me reprit de la tâche que j'avais à ma volonté, écrit humblement la sainte. Je ne lui en dis pas le sujet, crainte que ce ne fût une imagination et qu'elle le crût une vérité. Quoi qu'il en soit, la mère de Sommès lui ordonna bientôt de demander sa santé à notre Seigneur. Elle s'y soumit, redoutant d'être exaucée, mais on lui dit que ce serait le signe auquel on reconnaîtrait si tout ce qui se passait en elle venait de l'Esprit de Dieu. Si notre Seigneur la guérissait, on lui permettait ce qu'il lui avait commandé, tant que pour la communion des premiers vendredis que pour l'heure de veille du jeudi au vendredi. Par obéissance, elle exposa donc le tout à notre Seigneur. « Je ne manquais pas de recouvrer aussitôt la santé, » ajoute-t-elle, « comme une chose qui allait de soi-même. » Ne connaissait-elle pas assez déjà le cœur de son Jésus pour être sûre de lui? Mais en cette circonstance, notre Seigneur voulut laisser à sa Sainte Mère la joie de guérir sa fille très aimée. En effet, la Sainte Vierge apparut à Marguerite Marie, lui fit de grandes caresses, l'entretint longtemps et lui dit « Prends courage, ma chère fille, dans la santé que je te donne de la part de mon divin Fils, car tu as encore un long et pénible chemin à faire, toujours dessus la croix, percée de clous et d'épines et déchirée de fouets. Mais ne crains rien, je ne t'abandonnerai et te promets ma protection. » Une âme élevée à un tel degré d'union à Dieu pouvait s'attendre à une souveraine jalousie de la part de celui qui la comblait sans mesure de ses grâces. Une fois, sur quelque faute qu'elle avait faite, son divin maître lui donna cette leçon. « Apprends que je suis un maître saint qui enseigne la sainteté. Je suis pur et ne peux souffrir la moindre tâche. C'est pourquoi il faut que tu agisses en simplicité de cœur, avec une intention droite et pure en ma présence, car je ne peux souffrir le moindre détour. Et je te ferai connaître que si l'excès de mon amour m'a porté à me rendre ton maître, pour t'enseigner et te façonner à ma mode et selon mes desseins, que je ne peux supporter les âmes tièdes et lâches, et que si je suis doux à supporter tes faiblesses, je ne serai pas moins sévère et exact à corriger et punir tes infidélités. » Une autre fois, sœur Marguerite Marie s'étant laissée aller à quelques mouvements de vanité en parlant d'elle-même, « Oh mon Dieu! Combien de larmes et de gémissements me causa cette faute, s'écrit-elle. Car lorsque nous fûmes seuls à seuls, il me reprit en cette manière et d'un visage sévère. Qu'as-tu, ô poudre et cendre, de quoi te pouvoir glorifier, puisque tu n'as rien de toi que le néant et la misère, que tu ne dois jamais perdre une vue, non plus que sortir de l'abîme de ton néant? Et afin que la grandeur de mes dons ne te fasse méconnaître et oublier de ce que tu es, Je t'en veux mettre le tableau devant les yeux. Et cette parole s'effectuant à l'heure même, le Dieu de toute pureté mit devant elle un tableau où se trouvait en raccourci tout ce qu'elle était. La vue de cette horrible peinture la bouleversa, au point qu'elle n'aurait pu la soutenir sans la miséricorde de son bien-aimé, vers lequel son âme lançait ce cri de supplication. Oh mon Dieu, hélas, ou faites-moi mourir ou cachez ce tableau. Le Seigneur l'a dit, ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. En effet, il avait envers sa servante une manière d'agir dont nous comprenons à peine le mystère et s'en explique ainsi. Quelque grande que soient mes fautes, cet unique bien de mon âme ne me prive jamais de sa divine présence, ainsi comme il me l'a promis. Mais il me la rend si terrible lorsque je lui ai déplu en quelque chose, qu'il n'y a point de tourment qui ne me fût plus doux et auquel je ne me sacrifiasse plutôt 1000 fois que de supporter cette divine présence et paraître devant la sainteté de Dieu ayant l'âme souillée de quelque péché. Et j'aurais bien voulu me cacher en ce temps-là et m'éloigner si j'avais pu, mais tous mes efforts étaient inutiles, trouvant partout ce que je fuyais avec des tourments si effroyables qu'il me semblait être en purgatoire puisque tout souffrait en moi sans nulle consolation ni désir d'en chercher. Ce qui me faisait dire quelquefois dans ma douloureuse amertume, oh, qu'il est terrible de tomber entre les mains d'un Dieu vivant. Toutefois, pouvait-elle se plaindre, notre Seigneur ne l'avait-il pas prévenue, qu'il lui serait en même temps joie et supplice? Un autre jour, le Sauveur lui fit cette question. Ma fille, me veux-tu bien donner ton cœur pour faire reposer mon amour souffrant que tout le monde méprise? Monseigneur, vous savez que je suis tout à vous. Faites selon votre désir. Il me dit, sais-tu bien à quelle fin je te donne mes grâces si abondamment? C'est pour te rendre comme un sanctuaire où le feu de mon amour brûle continuellement et ton cœur est comme un autel sacré où rien de souillé ne touche, l'ayant choisi pour offrir à mon Père éternel des sacrifices ardents. Que deux fois déjà Marguerite Marie avait-elle pu lire cette parole de son bienheureux Père? Si la jalousie pouvait régner au royaume de l'amour éternel, les anges enverraient la souffrance de Dieu pour l'homme et la souffrance de l'homme pour Dieu. Mais elle ne s'attendait certainement pas à voir les anges venir eux-mêmes lui en prouver la réalité. Un jour, où l'on travaillait à l'ouvrage commun du chanvre, elle se retira selon sa coutume dans une petite cour proche du cœur des religieuses afin d'être plus près du Saint-Sacrement. Le Seigneur lui accordait là de très grandes grâces. Parfois, les sœurs lui faisaient une petite guerre de ce qu'elle fréquentait si souvent ce lieu, sur quoi elle finit par répondre, avec une grande imprudence, à son avis, qu'elle n'y retournerait plus. Mais l'attrait fut si fort qu'elle l'entraîna de nouveau vers ce petit coin, où elle éprouvait quelque chose des joies du paradis. Confuse de n'avoir pas tenu sa parole, elle alla s'en accuser à la supérieure, qui la rassura, lui disant qu'elle ne devait pas cesser de suivre son attrait. La sainte y retourna donc, elle y faisait son ouvrage à genoux, lorsque le jour dont nous parlons, elle se sentit toute recueillie intérieurement et extérieurement. Alors, écrit-elle, me fut en même temps représenté l'aimable cœur de mon adorable Jésus, plus brillant qu'un soleil. Il était au milieu des flammes de son pur amour, environné de séraphins qui chantaient d'un concert admirable. L'amour triomphe, l'amour jouit, l'amour du Saint-Cœur réjouit. Ces bienheureux esprits l'invitèrent à s'unir à eux pour louer le cœur de Jésus. Mais retenue par le sentiment de son indignité, elle n'osa le faire. Les séraphins l'en reprirent, lui déclarant qu'ils étaient venus afin de former une association avec elle, pour rendre un continuel hommage d'amour, d'adoration et de louange à ce divin cœur. Ils ajoutèrent que pour cela, il tiendrait ma place devant le Saint-Sacrement, dit-elle, afin que je le pusse aimer sans discontinuation par leur entreprise. Et que de même ils participeraient à mon amour, souffrant en ma personne comme je jouirais en la leur. Et ils écrivirent en même temps cette association dans ce sacré cœur, en lettres d'or et du caractère ineffaçable de l'amour. La vision que rapporte ainsi sœur Marguerite Marie dura environ 2 ou 3 heures. Depuis cette époque, elle ne nommait plus les anges en les priant que ses divins associés. Elle confesse avoir ressenti toute sa vie les effets de cette association avec les séraphins. Son amour envers le Saint-Sacrement s'en accrut encore. Combien intelligente était sa dévotion envers lui. Lorsqu'elle était devant lui, jouissant de la présence de son bien-aimé et de ses divines caresses, Si l'obéissance lui ordonnait de sortir, elle le quittait sans résistance. Peu lui importait d'être occupée à ceci ou à cela, pourvu qu'elle fît la volonté de son Dieu et fût dans l'exercice de l'amour. En voici une nouvelle preuve. Je priais souvent notre Seigneur que mon cœur ne s'éloignât pas de sa présence. Il me dit un jour, comme je faisais la génuflexion, « Tu t'en vas donc sans cœur, car le tien ne sortira plus d'ici. Je le remplirai d'un baume précieux qui entretiendra sans cesse le fond de mon amour. » La bonne volonté doit être la mèche qui ne doit jamais finir. Tout ce que tu pourras faire et souffrir avec ma grâce, tu le dois mettre dans mon cœur pour être converti en ce baume qui doit être l'huile de cette lampe, afin que tout y soit consommé dans le feu du divin amour. Je tâchais de faire ce qu'il m'enseignait. Ma fille, me dit-il, je prends tant de plaisir à voir ton cœur que je me veux mettre en sa place et te servir de cœur, ce qu'il fit si sensiblement qu'il ne m'était pas permis d'en douter. Depuis ce temps, sa bonté me donnait un si libre accès auprès de sa grandeur que je ne puis l'exprimer. As-tu perdu au change que tu as fait avec moi, me dit notre Seigneur en me donnant tout. Aie soin seulement de remplir ta lampe et j'y allumerai le feu. Depuis que sœur Marguerite Marie avait été guérie par miracle à la suite de la vision relative à leur sainte, la mère de Sommez n'avait plus aucun doute sur la vérité des communications célestes faites à sa bienheureuse fille. Mais se sentant embarrassée pour la conduire dans ses voies éminentes, la prudente supérieure crut qu'il fallait que des personnes de doctrine examinassent ce qui se passait en cette âme. En conséquence, elle la fit parler à plusieurs directeurs. Qui furent ces directeurs? Aucun document ne nous les fait connaître. Du moins, le résultat de leur décision est certain. Il fut d'apporter beaucoup d'angoisse et pas du tout de lumière à la servante de Dieu, car on la traita de visionnaire et on lui défendit de s'arrêter à ses aspirations. Monseigneur Languet a pris soin de buriner en une phrase réaliste l'un des oracles rendus à l'unanimité par les juges de cette innocente victime. Ils ordonnèrent qu'on fît manger de la soupe à cette fille. Être humiliée et méprisée, ce n'était rien pour elle, mais ce qui demeurait hors de son pouvoir, c'était de résister à la violence douce et bénie que lui faisait son unique amour. Il fallait qu'elle le suivît là où il voulait la conduire, indépendamment de toutes les créatures. L'état dans lequel était alors plongée la pauvre sœur ne saurait s'exprimer. Dans les perplexités de son esprit, elle s'adressa comme toujours à son divin maître. Il la soutint, l'encouragea et l'assura qu'il lui enverrait bientôt ainsi un serviteur auquel il voulait qu'elle manifestât tout ce qu'elle savait des trésors et des secrets du Sacré-Cœur, parce que celui-là serait celui qui devait la rassurer dans sa voix intérieure. La prédiction ne tarda pas à s'accomplir. Au commencement de l'année 1675, le révérend père de la Colombière arrivait à Paris, comme supérieur de la résidence des pères jésuites. Au commencement de l'année 1675, le révérend père de la Colombière arrivait à Paris, comme supérieur de la résidence des pères jésuites. C'était un homme de grande distinction, un parfait religieux que le ciel avait doué d'un remarquable discernement des esprits. Né le 2 février 1641 à Saint-Symphorien-d'Auzon, en Dauphiné, Claude de la Colombière était entré au noviciat de la Compagnie de Jésus à Avignon le 25 octobre 1658. En 1660, il prononce ses premiers vœux et est ordonné prêtre en 1669. En 1674, il fait sa troisième probation à Lyon et sa profession solennelle le 2 février 1675. Déjà, il a une histoire, car ce jeune jésuite, avant même d'être prêtre, a été précepteur des deux fils de Colbert et s'est trouvé mêlé au plus grand monde. Mais Dieu le destine à quelque chose de bien autrement grand, et c'est précisément pour cela qu'alors marqué par sa providence, il le conduit à Paris. La première fois que le père de la Colombière vit la communauté, sœur Marguerite Marie entendit ces paroles au fond d'elle-même. « Voilà celui que je t'envoie. » Peu après, le père étant venu entendre les confessions de toutes les sœurs des monastères pour les quatre temps, bien que la sœur à la coque ne se fît nullement connaître, il la retint fort longtemps, environ 1 heure et demie. Il lui parla comme s'il eût compris ce qui se passait en elle. Mais, toujours humble et réservée, elle se retira, sans lui avoir fait aucune ouverture sur les visites extraordinaires qu'elle recevait de Dieu. Le père lui ayant demandé si elle agréerait qu'il vînt une autre fois lui parler en ce lieu, elle répondit que, n'étant pas à elle, elle ferait ce que l'obéissance lui ordonnerait. À quelque temps de là, le père supérieur vint faire une conférence spirituelle à la communauté. il remarqua la sœur Marguerite Marie entre toutes les autres. Après le sermon, il pria la mère de Sommès de lui dire qui était cette jeune religieuse qu'il avait vue en telle place qu'il désigna. La mère la lui ayant nommée, il l'assura que c'était une âme de grâce. La mère de Sommès, ayant prié le père de revenir, ordonna à la sœur d'aller lui parler. La sainte rapporte ainsi ses dispositions en cette circonstance. Je ne laissai pas d'y sentir des répugnances effroyables lorsqu'il fallut y aller, ce que je lui dis d'abord. Mais il me répondit qu'il était bien aise de m'avoir donné occasion de faire un sacrifice à Dieu. Et alors, sans peine ni façon, je lui ouvris mon cœur et lui découvris le fond de mon âme, tant le mal que le bien, sur quoi il me donna de très grandes consolations, en m'assurant qu'il n'y avait rien à craindre la conduite de cet esprit, d'autant qu'il ne me retirait point de l'obéissance, que je devais suivre ses mouvements en lui abandonnant tout mon être pour me sacrifier et immoler selon son bon plaisir. Admirant la grande bonté de notre Dieu de ne s'être point rebuté parmi tant de résistances, il m'apprit à estimer les dons de Dieu et à recevoir avec respect et humilité les fréquentes communications et familiers entretiens dont il me gratifiait, dont je devrais être dans de continuelles actions de grâce envers une si grande bonté. Rien de surnaturel comme l'attitude de ces deux âmes en présence l'une de l'autre. Pour obéir, la pénitente expose les envahissements de la grâce en elle. Le religieux admire l'œuvre de Dieu en celle qui s'ouvre à lui. Mais que lui dit-il? Quand tout cela est le grand sujet de s'humilier, c'était sanctionner le plus impérieux besoin qu'elle eût peut-être jamais ressenti, et du même coup, approfondir encore la paix que Dieu venait d'établir en elle. Des détails pratiques furent aussi résolus. Il s'agissait de savoir s'il fallait continuer à se violenter comme elle s'y astreignait, pour réciter des prières vocales, alors que son âme était le plus ravie en Dieu. Très expérimentée dans les choses spirituelles les plus hautes, le sage directeur lui dit que non, se borner à ce qui était d'obligation, y ajouter le chapelet lorsqu'elle le pourrait, c'était tout ce qu'il fallait, étant donné le chemin par lequel Dieu la conduisait. Sœur Marguerite Marie soumit encore au père de la Colombière sa peine au sujet des lettres et des billets que la grâce la pressait d'écrire à certaines personnes, ce dont il lui revenait de grandes humiliations. La réponse du serviteur de Dieu ne fut pas moins nette. Il ordonna à la sœur à la coque quelques peines et humiliations qu'elle en dut souffrir, de ne jamais se désister de suivre ce mouvement de l'Esprit-Saint, écrivant simplement ce qu'il lui dicterait, puis d'aller présenter le billet à sa supérieure qui en ferait ce qu'elle jugerait à propos. Une telle direction puisée aux sources les plus pures de l'Esprit de Dieu n'avait d'autre règle que le niveau de la grâce. Le père de la Colombière ne se contenta pas de tranquilliser la sainte fille. Il ne rassura pas moins la mère de Sommès, en sorte que, pour l'une comme pour l'autre, l'appui de son expérience fut d'un secours tout providentiel, dans un moment particulièrement critique pour toutes les deux. Mais il était écrit que la disciple du cœur de Jésus ne goûterait jamais de consolation qu'il ne fût aussitôt traversé de la croix. Cette première et si longue communication avec le nouveau supérieur, celles qui suivirent, firent fondre sur elle d'autres humiliations et d'autres épreuves. On en devine assez le genre, sans qu'il soit besoin de les détailler. Elle ne pouvait pas ne pas entendre quelques-unes des réflexions qui se faisaient à son sujet, et dont les moins piquantes étaient qu'elle voulait sans doute décevoir le Père par ses illusions, et le tromper comme elle en avait trompé d'autres. Lui-même eut beaucoup à souffrir à cause de moi, écrit-elle, ajoutant, mais cela ne lui faisait nulle peine. Tels sont les saints, pourvu que Dieu soit content, que leur importe ce que pensent et disent les hommes. D'ailleurs, ici, le cœur de Jésus allait se charger de les dédommager, divinement, lui-même, l'un et l'autre. Un jour que le Père était venu dire la messe dans l'église du monastère, notre Seigneur lui fit de très grandes grâces, et à sœur Marguerite Marie en même temps. Au moment où elle s'approcha pour recevoir la sainte communion, il lui montra son divin cœur comme une ardente fournaise. Deux autres cœurs allaient s'unir et s'abîmer dans ce cœur sacré qui disait « C'est ainsi que mon pur amour unit ces trois cœurs pour toujours. » Notre Seigneur lui fit entendre encore qu'il voulait qu'elle découvrît au Père les trésors de son adorable cœur, afin qu'il en fît connaître et en publiât le prix et l'utilité. La sainte a un mot d'une simplicité ravissante. Il voulait que nous fussions comme frères et sœurs, également partagés de biens spirituels. Mais dans son humilité, elle a peine à comprendre cela. ne voyant que l'inégalité qui existe entre un homme d'une si grande vertu et mérite et une pauvre chétive pécheresse comme moi. Notre Seigneur se charge de l'éclairer, disant « Les richesses infinies de mon cœur suppléeront et égaleront tout, dis-lui seulement sans craindre. » La première fois qu'elle vit le Père, elle lui rapporta tout. La manière d'humilité et d'action de grâce avec laquelle il le reçut, avec plusieurs autres choses que je lui dis de la part de mon souverain maître en ce qui le concernait, me toucha tellement et me profita plus que tous les sermons que j'aurais pu entendre. Comme l'âme de Marguerite Marie, celle du Père de la Colombière, est prête, l'heure est maintenant venue de la dernière des grandes révélations. Le Saint Jésuite y recevra sa part de l'héritage du Sacré-Cœur. C'est à genoux qu'il conviendrait d'écouter le récit de cette magnifique apparition du cœur de Jésus à sa servante. Le fait appartient à l'histoire. Voici venir l'annonce d'une ère nouvelle dans l'Église de Dieu. En 1675, le jeudi de la fête Dieu tombait le 13 juin. L'octave de la fête s'étendait donc jusqu'au 20 juin, inclusivement. Nous sommes à une époque mémorable. Étant une fois devant le Saint-Sacrement, un jour de son octave, écrit la Sainte, je reçus de mon Dieu des grâces excessives de son amour, et me sentis touché du désir de quelque retour, et de lui rendre amour pour amour. Et il me dit, « Tu ne m'en peux rendre un plus grand qu'en faisant ce que je t'ai déjà tant de fois demandé. » Alors me découvrant son divin cœur, voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser, et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Mais ce qui m'est encore le plus sensible, est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés, qui en usent ainsi. C'est pour cela que je te demande que le premier vendredi d'après octave, du Saint-Sacrement soit dédié à une fête particulière pour honorer mon cœur, en communiant ce jour-là et en lui faisant réparation d'honneur, par une amende honorable, pour réparer les indignités qu'il a reçues pendant le temps qu'il a été exposé sur les autels. Je te promets aussi que mon cœur se dilatera, pour répandre avec abondance les influences de son divin amour, sur ceux qui lui rendront cet honneur et qui procureront qu'il lui soit rendu. Et répondant à cela que je ne savais comment pouvoir accomplir ce qu'il désirait de moi depuis tant de temps, il me dit de m'adresser à son serviteur, qu'il m'avait envoyé pour l'accomplissement de ce dessein. Et l'ayant fait, il m'ordonna de mettre par écrit ce que je lui avais dit, touchant le Sacré-Cœur de Jésus-Christ, et plusieurs autres choses qui le regardaient pour la gloire de Dieu. Dans l'autobiographie, la narration s'arrête là. Mais ouvrons maintenant la retraite du Père de la Colombière. Nous y trouverons la continuation du récit, puisque nous savons que Sœur Marguerite Marie lui avait remis la relation complète de sa vision. C'est donc bien la suite du colloque admirable qui eut lieu alors entre le cœur de Jésus et sa bienheureuse disciple. « Mais, Monseigneur, lui dit-elle, à qui vous adressez-vous? À une si chétive créature et pauvre pécheur, que son indignité serait même capable d'empêcher l'accomplissement de votre dessein. Vous avez tant d'âmes généreuses pour exécuter vos desseins. Et, pauvre innocent que tu es, ne sais-tu pas que je me sers des sujets les plus faibles pour confondre les forts, que c'est ordinairement les plus petits et les pauvres d'esprit sur lesquels je vois ma puissance avec plus d'éclat, afin qu'ils ne s'attribuent rien à eux-mêmes. Donnez-moi donc, je lui dis, le moyen de faire ce que vous me commandez. Pour lors, il m'ajouta, « Adresse-toi à mon serviteur, le père de la Colombière, et lui dis de ma part de faire son possible pour établir cette dévotion et donner ce plaisir à mon divin cœur. Qu'il ne se décourage point pour les difficultés qu'il y rencontrera, car il n'en manquera pas. Mais il doit savoir que celui-là est tout-puissant, qui se défie entièrement de soi-même pour se confier uniquement à moi. » Le père de la Colombière n'était pas homme à croire légèrement tout ce qui lui était dit, mais il avait sous les yeux trop de preuves éclatantes de l'inaltérable vertu de la sœur Marguerite Marie pour craindre la moindre illusion dans ce qu'elle lui transmettait. Humblement reconnaissant et saintement fier du ministère que le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ lui réservait en tout ceci, Le fervent jésuite voulut commencer par étendre sur lui-même le règne du Sacré-Cœur. Il se dédia et consacra donc à lui dans toute l'énergie et l'amour de son âme, dès le 21 juin 1675, vendredi après l'octave du Saint-Sacrement. Du fond de son monastère, la servante de Dieu s'unit sans doute à l'acte solennellement intime, accompli par son vénéré directeur. Qui dira ce que fut pour le cœur de Jésus l'offrande totale de ces deux cœurs qu'il pouvait regarder comme ses deux premières conquêtes dans l'ordre des révélations de Paray le Monial? Au témoignage de notre sainte, le père de la Colombière ne laissa pas de lui continuer ce secours. Le peu de temps qu'il demeura en cette ville est toujours. Et je me suis 100 fois étonnée, remarque-t-elle, comme il ne m'abandonnait pas, aussi bien que les autres, car la manière dont je traitais avec lui aurait rebuté tout autre, bien qu'il n'épargne rien pour m'humilier et mortifier, ce qui me faisait un grand plaisir. Bien loin de ne s'occuper que de ses intérêts personnels, et d'ailleurs souverainement attaché à la Sainte Église, Marguerite Marie avait une prière véritablement catholique, c'est-à-dire qu'elle embrassait toutes les âmes. En voici un grand exemple. Lorsque l'on eut fait l'ouverture du jubilé, notre Seigneur lui fit voir dans une sévérité de juge que sa justice était moins irritée contre les infidèles que contre son peuple choisi qui s'était révolté contre lui. Saisie d'angoisse en face de cette vérité, l'humble sœur ne se lassait pas de prier pour les pécheurs. Son ardeur est encore stimulée par cette consolante parole tombée des lèvres de son Dieu. Une âme juste peut obtenir le pardon pour 1000 criminels. Mais il lui dit aussi, pleure et soupire sans cesse mon sang, répandu inutilement sur tant d'âmes qui en font un si grand abus dans ces indulgences, qui se contentent de couper les mauvaises herbes qui sont crues dans leur cœur sans jamais en vouloir ôter la racine. Mais malheur à ces âmes qui demeurent souillées et altérées au milieu de la source des eaux vives, puisqu'elles ne seront jamais purgées ni désaltérées. Mon Seigneur et mon Dieu, lui dit-elle en regardant son cœur sacré, il faut que votre miséricorde loge ici toutes ces âmes infidèles afin qu'elles s'y justifient pour vous glorifier éternellement. Oui, je le ferai si tu m'en veux promettre un parfait amendement. Mais vous savez bien, mon Dieu, que cela n'est pas en mon pouvoir si vous-même ne le faites, en rendant efficaces les mérites de votre sainte passion. Alors il lui apprit ce qu'elle devait faire pendant ce jubilé. Offrir au Père éternel, premièrement, les surabondantes satisfactions du sacrifice de son Fils sur la croix pour la conversion des pécheurs. Deuxièmement, les ardeurs de son cœur sacré pour compenser la tiédeur et lâcheté du peuple choisi. Troisièmement, la soumission de son adorable volonté à son Père, afin que ses mérites obtiennent l'accomplissement de toutes les volontés divines. Pour l'âme de Marguerite Marie, la volonté de Dieu allait être de lui retirer l'appui que le ciel lui avait envoyé en la personne du père de la Colombière. Ce fut à la fin de septembre de l'année 1676 qu'il cessa d'être supérieur à Paray et qu'il partit pour l'Angleterre comme prédicateur de son Altesse Royale Madame la Duchesse d'York, Marie-Béatrix d'Este. La sœur à la coque avait eu révélation de ce départ. Cela ne l'empêcha pas d'en ressentir toute la peine. Mais le divin maître ne lui permit pas longtemps d'y réfléchir, lui adressant ce reproche. « Et quoi, ne te suffis-je pas moi qui suis ton principe et ta fin ?» Il ne lui en fallut pas davantage pour tout abandonner à son unique Seigneur. Avant de quitter Paray, le père de la Colombière résuma comme en un code abrégé de perfection la ligne de conduite qu'il jugeait la plus appropriée aux besoins de sœur Marguerite Marie. Voici les conseils qu'il lui laissa. Il faut vous souvenir que Dieu demande tout de vous et qu'il ne demande rien. Il demande tout parce qu'il veut régner sur vous et dans vous, comme dans un fond qui est à lui en toute manière, de sorte qu'il dispose de tout, que rien ne lui résiste, que tout plie, tout obéisse au moindre signe de sa volonté. Il ne demande rien de vous parce qu'il veut tout faire en vous, sans que vous vous mêliez de rien, vous contentant d'être le sujet sur qui, en qui il agit, afin que toute la gloire soit à lui et que lui seul soit connu, loué et aimé éternellement. De son côté, le saint religieux voulut recevoir de sa pénitente quelques mots écrits à la lumière de l'Esprit-Saint. Le billet qu'elle traça contenait ces 3 points. Premièrement, le talent du père de la Colombière est d'amener les âmes à Dieu. C'est pourquoi les démons feront leurs efforts contre lui. Même des personnes consacrées à Dieu lui donneront de la peine et n'approuveront pas ce qu'il dira dans ses sermons pour les y conduire, Mais la bonté de Dieu dans ses croix sera son soutien autant qu'il se confiera en lui. Deuxièmement, il doit avoir une douceur compatissante pour les pécheurs et ne se servir de la force que lorsque Dieu le lui fera connaître. Troisièmement, qu'il ait un grand besoin de ne point tirer le bien de sa source. Cette parole est courte, mais qui contient beaucoup, dont Dieu lui donnera l'intelligence selon l'application qu'il y fera. Le père de la Colombière conserva soigneusement cet écrit et put bientôt se convaincre qu'il était prophétique. La reconnaissance avait profondément attaché le monastère de Paray à l'éminent religieux. Lui-même, après son arrivée en Angleterre, resta en relation et commerce de lettres avec la mère de Sommel. Quelques extraits de cette correspondance ne sont point déplacés dans l'histoire de notre sainte. Dès le 20 novembre 1676, il écrivait de Londres. On ne trouve point ici de fille de Sainte Marie et beaucoup moins de sœur à la coque. Mais on trouve Dieu partout quand on le cherche, et on ne le trouve pas moins aimable à Londres qu'à Paris. Et on ne le trouve pas moins aimable à Londres qu'à Paris. Je le remercie de tout mon cœur de la grâce qu'il me fait d'être dans le souvenir de cette sainte religieuse. Je ne doute point que ses prières ne m'attirent de grande grâce, mais je crains bien que je n'en fasse pas le profit que je devrais. Je tâcherai de faire usage des avis que vous me donnez par l'écrit, et surtout de celui que vous me marquez avoir été confirmé dans sa dernière solitude. Et le 17 février 1677, vous serez bien aise d'apprendre que le billet que vous me donnâtes à mon départ était rempli de presque autant de mystères que de paroles. Je n'en ai compris le sens que dans une retraite que je fis il y a 10 jours. Mais il est vrai que notre Seigneur n'avait rien laissé à dire, et qu'il y avait des préservatifs contre tous les maux qu'il me pouvait arriver. Tout est accompli, à la réserve de la persécution dont il est parlé au premier article, qu'une personne consacrée à Dieu me doit susciter, car pour celles du démon qui sont prédites au même point, il est vrai qu'il y a sorte de piège qui ne m'est tendu. Le deuxième et le troisième article étaient de la dernière conséquence pour le repos de ma vie et pour ma perfection. Je m'imaginais d'abord, et je l'ai cru durant 3 mois, que ce n'étaient que des avis généraux qui s'étendaient à toute la vie, mais j'ai connu que c'étaient des conseils pour les occasions présentes et des remèdes contre des pensées et des desseins qui me troublaient et qui étaient fort opposés à ceux de Dieu. Le dernier, surtout, que je n'avais jamais pu comprendre, s'ouvrit tout à coup à mon esprit, avec une si grande clarté qu'il n'y avait rien au monde de plus net. Je ne vous dis pas tous les trésors que j'ai découverts dans ce petit mémoire, je serai trop long. Tout ce que je puis dire, c'est que si c'est le mauvais esprit qui l'a dicté, il est extrêmement contraire à lui-même, vu que j'y ai puisé de si grands secours contre ses attaques, qu'il fait sur moi tous les effets que le Saint-Esprit a coutume de produire. Et dans le journal de sa retraite, le Saint-Jésuite est plus explicite encore. Le cinquième jour, Dieu m'a donné, si je ne me trompe, l'intelligence de ce point du mémoire que j'ai apporté de France, qu'il est grand soin de ne point tirer le bien de sa source. Cette parole est courte, mais elle contient beaucoup et Dieu lui en donnera l'intelligence selon l'application qu'il y fera. Il est vrai que j'avais souvent examiné ce mot, tirer le bien de sa source sans le pouvoir pénétrer. Aujourd'hui, ayant remarqué que Dieu m'en devait donner l'intelligence selon l'application que j'y ferais, je l'ai médité assez longtemps, sans y trouver d'autre sens que celui-ci, que je devais rapporter à Dieu tout le bien qu'il voudrait faire par moi, puisqu'il en est l'unique source. Mais après avoir, avec peine, détourné ma pensée de cette considération, tout d'un coup il s'est fait comme un jour en mon esprit, à la faveur duquel j'ai vu clairement que c'était la résolution du doute qui m'avait troublé les 2 ou 3 premiers jours de mes exercices, sur le sujet de l'usage que je devais faire de l'argent de ma pension. J'ai compris que cette parole contient beaucoup, parce qu'elle porte à la perfection de la pauvreté, à un grand détachement de toute vaine gloire, à la parfaite observation des règles, et qu'elle est la source d'une grande paix intérieure et extérieure. Tout ce que la sœur à la coque lui envoyait par écrit, le père de la Colombière l'estimait à l'égal d'oracle venu du ciel. En jugeant de la sorte, il était dans le vrai. La mère de Sommez et lui en eurent bientôt une preuve remarquable. C'est la mère de Sommez qui parle. Elle rapporte que sœur Marguerite Marie avait eu connaissance des croix et des peines intérieures que le père de la Colombière souffrait en Angleterre. Ce qu'elle nous vint dire, continue l'ancienne supérieure de Paray, en nous présentant un billet pour le lui faire tenir, lequel contenait des choses très consolantes et que Jésus-Christ lui avait dictées. Et comme je reçus quelque temps après des lettres de ce grand serviteur de Dieu, je connus par les demandes qu'il faisait qu'il avait besoin que l'on priât pour lui, ce qui pouvait être quelque chose des connaissances que cette vertueuse sœur avait eues. ce qui m'obligea de lui envoyer le dit billet, lequel je copiai sans en avoir rien fait connaître à qui que ce fût. Néanmoins, elle nous vint trouver et me dit qu'en le copiant, j'y avais changé quelque chose, et que notre Seigneur ne le voulait que comme il le lui avait fait écrire. Et comme je voulus le relire, pour voir ce que j'y avais changé, je trouvai que j'y avais mis quelques paroles, lesquelles, quoique assez semblables, avaient pourtant bien moins de force.